Principe du socialisme. Premièrement, des fins de l'homme. Pour qu'un système social prétende à la perfection, il doit embrasser dans ses cadres les hommes de tous les pays, les conduire à leurs fins présentes et préparer leurs fins futures. Quelles sont donc ces fins? C'est-à-dire, quel doit être le but de nos efforts? Est-ce pour jouir ou pour souffrir que nous vivons? Les prêtres et les philosophes officiels affirme que nous sommes nés pour les privations, pour les douleurs, et que nous devons nous résigner à notre triste sort. Nous nous permettrons d'exprimer ici une opinion différente. Nous vivons pour l'entier développement de nos organes et de nos facultés intellectuelles. En un mot, pour la satisfaction de tous nos besoins. Nous tendons à un état de bien-être absolu. Ce que nous devons réclamer, pour l'heure présente, c'est un peu plus de bonheur. Et ce que nous devons rechercher pour l'avenir, c'est le bonheur intégral. En quoi consiste ce bonheur? Est-ce dans la plénitude des jouissances matérielles? Non, sans doute. Un égoïsme grossier serait le résultat d'une pareille conception de la vie. Chaque individu ayant en soi la mesure du plus grand bien s'isolerait de tous les autres. Il n'y aurait entre nous aucun courant de sympathie. Le plaisir des sens localisés dans les organes ne se communique point. De plus, les appétits ont une limite. Ils traînent après eux la satiété et le dégoût. Une fois le ventre satisfait, la bête n'aspire plus à rien. Il faut quelque chose de supérieur pour arracher les hommes à l'esclavage des sens et pour les maintenir en communion constante. Un sentiment plus pur, moins égoïste, et dont l'intensité s'accroisse en raison de la culture intellectuelle. L'idéal de la perfection absolue. L'amour du beau est inné au fond de nous. Chacun le possède à un degré quelconque. Il n'est personne qui n'ait éprouvé une émotion plus ou moins forte en face de tels spectacles grandioses de la nature ou devant les chefs-d'œuvre du génie, et qui n'ait essayé de la communiquer à quelqu'un de son milieu. Car c'est là le caractère essentiel de ce sentiment d'être commun ou conceptible à tous, c'est-à-dire éminemment social. Un système soucieux de la fin des hommes doit donc s'efforcer de développer en eux l'idéal esthétique, qui est le mode le plus élevé du bonheur. En les conviant à des plaisirs communs qui ne connaissent ni la limite ni le dégoût, il supprime l'antagonisme des intérêts. Il leur apprend même à s'aimer les uns les autres, dans l'œuvre de la nature. Enfin, il les soustrait à la matérialité des choses, les attache à la vie en leur inspirant le désir toujours nouveau de connaître le mieux. Il leur ouvre une porte sur l'infini. L'enseignement religieux a senti avec raison la nécessité d'un idéal. Mais le sien est infirmé par la science. C'est un préjugé que les prêtres seuls ont intérêt à conserver. L'au-delà est une de ces hypothèses gratuites, un de ces audacieux a priori dont les anciens philosophes se servaient pour étayer leur sociogonie. Ceux qui entretiennent encore le peuple dans cette naïve illusion sont les premiers qui ne l'auront jamais. Le plaisir esthétique, au contraire, n'est pas seulement une espérance. Il est réel, immédiat. Il s'agit de le faire goûter aux générations nouvelles. Même provisoirement, dans une faible mesure, il est vrai. Des files de paysans et d'ouvriers peuvent le concevoir. L'instituteur n'a qu'à leur faire sentir la poésie de la nature, l'harmonie des couleurs, la mélodie des sons, le charme et le parfum des fleurs, leur faire comprendre le prix et la beauté d'un travail achevé, leur aspirer l'horreur des imperfections, au lieu d'être des manœuvres. Ils voudront devenir des artistes. L'art ne consiste pas seulement à construire une phrase irréductible, à colorier une toile, à ciseler un bloc de marbre. Il est dans tous les métiers, dans toutes les industries. Chaque sorte de travail suppose un idéal, c'est-à-dire un modèle de ce que les hommes peuvent faire de mieux. Le serrurier, le maçon, le cultivateur ont besoin d'une éducation esthétique, de même que le peintre, le poète, le musicien. Chacun dans sa sphère peut rêver la perfection absolue, repaître son imagination de cette idée, en alimenter son activité cérébrale, en jouir. Celui qui aura trouvé les plans les plus merveilleux sera en même temps le meilleur ouvrier. L'art qui procure cette jouissance supérieure, pure et désintéressée, est la plus haute expression du bonheur. Nous allons rechercher dans quelles conditions il peut atteindre son plus haut degré de culture, puisque le bonheur est notre fin commune.